La science CQFD, Antoine Beauchamp. Les sociétés humaines ont-elles pour point commun de se faire la guerre et cette guerre est-elle au centre des interactions humaines depuis la nuit des temps? On part aujourd'hui sur la piste complexe de l'archéologie de la violence. Imaginez la guerre telle que la faisaient nos ancêtres et vous aurez vite des images de guerre antique qui vous viennent en tête. Pourtant, il est peu probable qu'avant l'Antiquité, les sociétés aient été purement pacifiques et n'aient pas connu de conflits violents. C'est toutefois l'image qui a longtemps été véhiculée et qui n'a été interrogée que récemment dans l'histoire des sciences. Alors, peut-on remonter aux prémices de la violence collective entre les humains et doit-on l'attribuer aux changements profonds connus par les sociétés humaines après le Paléolithique ? Archéologie de la guerre, aux origines de la violence. Bonjour Bruno Boulestin. Bonjour. Vous êtes anthropologue à l'université de recherche PACEA du CNRS, à l'université de Bordeaux, et bonjour Philippe Lefranc. Bonjour. Vous êtes professeur de préhistoire à Strasbourg et spécialiste du néolithique. Merci beaucoup à vous deux d'être avec nous aujourd'hui et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Twitter ou X @ScienceCQFD. On va donc aujourd'hui s'atteler à une tâche complexe et essayer de comprendre ensemble l'origine des guerres et des conflits violents dans l'histoire des premières sociétés humaines. Alors, faute de traces écrites et faute de vestiges fossiles, ou bien matériel suffisamment nombreux, il n'est pas évident de répondre de façon tranchée à cette question, une question qui relève aussi bien de l'archéologie que de l'anthropologie ou encore de la philosophie. Alors depuis quelques décennies, on s'y intéresse un peu plus et on trouve des traces évidentes de ces conflits d'un passé lointain. On va parler ensemble dans notre émission de deux découvertes récentes en Espagne et en Chine. Mais pour ouvrir notre discussion, je vous propose de partir un peu moins loin, en Alsace, sur le site d'Achenheim, où en 2016, on découvrait les traces d'un massacre survenu au Néolithique. L'archive est tirée d'Intersoir sur France Inter. Les corps ont été retrouvés à l'emplacement de ce futur centre commercial. Dans cette étendue de terre, une fosse. À l'intérieur, 4 bras gauches et 6 squelettes d'hommes ont été découverts. Pas de doute pour Fanny Chenal, anthropologue à l'INRAP, la tuerie a été d'une extrême violence. Tous les crânes retrouvés dans la fosse sont polyfracturés, donc sont en 1000 morceaux. On retrouve des fractures aussi sur les côtes, sur les clavicules, au niveau du bassin, au niveau des bras, des membres supérieurs, au niveau des mains, des phalanges, des pieds. Ça signe un acharnement sur les victimes incontestable. Les membres ont été vraisemblablement tranchés à la hache ou au silex. Alors, acte sacrificiel, conflit guerrier, l'heure est aux hypothèses. Les fouilles se terminent dans une semaine. Des résultats plus approfondis sont prévus d'ici 2 ans. Peut-être donneront-ils d'autres éléments de réponse. Voilà pour ce massacre néolithique d'Achenheim. Philippe Lefranc, ce site, vous le connaissez bien, vous y avez fouillé avec Fanny Chenal, et il nous plonge d'emblée dans un constat. Les sociétés humaines connaissent au moins depuis le néolithique des épisodes de massacres d'une rare violence. Comment vous réagissez à cette archive qui vous ramène 8 ans en arrière, là où vous avez fait cette découverte? Oui, bon alors ça me rappelle des souvenirs, bien évidemment. Effectivement, la découverte d'Achenheim est une découverte importante puisque il s'agit d'un des sites sur lesquels on peut réellement identifier la présence de la guerre sans aucune hésitation. Parce que la reconnaissance de la violence collective au néolithique, elle est ancienne. Depuis le milieu du 19e siècle, on a identifié dans des dolmens, dans des hypogées, on a identifié des traces de violence collective. Par exemple, on a trouvé des armatures de flèches plantées dans des vertèbres. Donc, on sait que la guerre existe au néolithique. Enfin, en tout cas, que la violence collective existe au néolithique. Mais pendant très longtemps, c'est une violence qui a été minorée. En fait, et ça peut-être. Alors, on pourrait faire une longue historiographie, mais on le doit peut-être à l'école fonctionnaliste. Enfin, on le doit aux ethnologues probablement, donc l'école de Malinowski. Je crois que c'est Ruth Benedict qui a introduit dès les années 40 la notion de guerre sportive. Et puis également certains postulats, donc celui de la faible létalité. Des conflits dans les sociétés traditionnelles. Et ça figure dans les premières grandes synthèses qui ont été consacrées à la guerre à la fin des années 40. Et c'est devenu une sorte de lieu commun de la recherche. Les guerres tribales, les guerres dans les sociétés traditionnelles, sont pas des vraies guerres. Hein, ce sont des guerres de vengeance. On parle de feudes. Ce sont des guerres de faible intensité qui font pas beaucoup de morts. Et donc ce sont des guerres qui sont pas vraiment des guerres. D'une certaine façon, assez contrôlées. Régulées. Des guerres régulées. C'est ce qu'on appelle le feu. Bruno a écrit un grand article là-dessus, pourra sans doute revenir sur le sujet. Donc, avec un site comme Arnhem et comme le site de Bergheim, qui avait été découvert quelques années avant, sur lequel avait été mise en évidence la prise de trophées, également, c'est-à-dire un tas de bras gauches coupés. Voilà. Sur ce type de site, on a des gestes qui sont vraiment des gestes guerriers. Et dont la littérature ethnologique nous montre qu'ils n'interviennent que dans le cadre de guerres non régulées, de ce qu'on peut aussi appeler des guerres totales, la vraie guerre, si vous voulez. On va parler bien sûr ensemble, Philippe Lefranc, tout au long de cette heure, de la définition aussi de cette guerre. Peut-être que j'aimerais entendre Bruno Boulestin sur cette archive. Et puis ensuite, on va évoquer bien sûr ensemble cet aspect historiographique et très intéressant, épistémologique. Comment est-ce qu'on en est venu à réfléchir à cette conflictualité-là, violente, dans les sociétés humaines anciennes. Mais avant ça, Bruno Boulestin, du coup, est-ce que vous pouvez réagir à cette archive, comment vous la recevez et qu'est-ce qui dans cette découverte vous intéresse? Oui, alors comme l'a dit Philippe, c'est un des grands témoignages de la violence néolithique, et plus particulièrement là on est un néolithique qui est pas tout à fait ancien, mais qui est déjà c'est pas du néolithique tout à fait final, et on a des choses encore plus anciennes. Dès le néolithique ancien, on a un certain nombre de témoignages de massacres collectifs, de violences collectives, et ça fait partie toutes ces découvertes qui somme toute sont relativement récentes sont un des facteurs qui ont contribué au changement dans la perception de la guerre. Bon, je pense qu'on reviendra sur le côté épistémologique, mais c'est vrai que depuis les années 1990, début des années 2000, on a vraiment un changement de paradigme. On voit la guerre différemment. Et en tout cas, pour le néolithique, toutes ces découvertes de violences collectives ont grandement contribué à changer la perception. C'est-à-dire jusque dans les années, 1990, notamment en France, la guerre, c'était quelque chose qu'on reliait aux États, aux sociétés, avancées dans leur évolution. Les néolithiques étaient plutôt considérés comme des gens assez pacifiques, et là, évidemment, ça a permis de changer. Donc, c'est un témoignage de plus. Et en plus, il y a des caractéristiques très très intéressantes, donc c'est vraiment un témoignage important. Philippe Lefranc, c'est assez intéressant ce que dit à l'instant Bruno Boulestin, c'est le fait que, déjà aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur le fait que les sociétés humaines, y compris du néolithique, voire du paléolithique, c'est une question qu'on va se poser, connaissaient des épisodes de violence intercommunautaire, ou en tout cas intergroupe. Comment est-ce qu'on explique le fait que jusqu'aux années 2000, comme le disait Bruno Boulestin à l'instant, il était difficile d'envisager des communautés humaines du néolithique, du mésolithique, comme étant des communautés potentiellement violentes? Oui, Bruno l'a dit, c'est vrai que jusqu'à récemment, on imaginait les sociétés néolithiques comme des sociétés pacifiques, qui allaient jusqu'à ignorer la guerre. Bon, tout ça a été battu en brèche par les découvertes qui se sont multipliées sur les sites rubanais, donc des sites du néolithique ancien. On a de véritables sites de massacres, et on continue à en trouver. Le dernier, c'est le site de Vrable en Slovaquie, où on a trouvé plusieurs dizaines de corps décapités dans un fossé. Donc on continue à trouver ces traces de la guerre. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'au dans le milieu des années 90, c'est en 1996 également, il y a la publication d'un ouvrage qui a fait grand bruit et qui est peut-être un petit peu réveillé les consciences. C'est l'ouvrage de Lawrence Keeley, qui s'appelle War Before Civilizations, qui est bizarrement traduit en français par les guerres préhistoriques, alors que l'essentiel de ces données sont ethnologiques. Et c'est un livre dans lequel l'auteur dénonce ce qu'il appelle la pacification du passé. Voilà. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que bon, lui, il reconnaît, c'est peut-être le premier à parler de guerre véritable pour le néolithique, puisqu'il parle du dépôt de Thalheim. Donc le dépôt de Thalheim, c'est donc le Bade-Wurtemberg, c'est un dépôt qui date des environs de 5000 avant notre ère. C'est une fosse commune, hein, où on a retrouvé des hommes, des femmes, des enfants, donc toute une communauté qui a été massacrée. Il y a beaucoup de traces de coups. Et puis surtout, Kili a reconnu un statut de vraie guerre véritable, voilà, de guerre totale, aussi bien par leurs enjeux que par leurs conséquences. Ça au sein des sociétés tribales, mais également au sein des sociétés néolithiques. Et ça, c'est vraiment une nouveauté. Et c'est à partir de ces années-là, milieu des années 90, qu'il y a eu une espèce de déblocage. Et d'ailleurs, on voit bien, quand on regarde la bibliographie, il y a une prolifération après cette publication, oui, de publications sur le thème, hein, que ce soit en ethnologie ou bien sur la préhistoire, les premières grandes synthèses sur la violence néolithique, sont publiés vraiment dans la foulée, jusqu'en 2001 avec l'ouvrage de Jean Guilaine, pour citer un titre français. Voilà. Bruno Boulestin, vous souhaitiez réagir à ce propos de Philippe Lefranc, mais aussi à cette question de l'émergence d'un thème, d'une thématique de recherche au tournant des années 2000 autour de cette enquête sur les premières violences collectives. Oui, Philippe a très bien expliqué le moment où s'est passé le tournant. Alors en fait, si on prend un peu de recul, la perception de la violence dans les sociétés préhistoriques et de la guerre, c'est quelque chose qui fluctue, et qui fluctue assez en fonction des mentalités. Si on remonte à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a une vision très évolutionniste, c'est-à-dire que l'homme est parti de la sauvagerie, il est passé par la barbarie, et puis bon, il a continué comme ça jusqu'à la civilisation. Donc finalement, pour les scientifiques de ces époques-là, la guerre, c'est quelque chose de naturel, parce que bon, l'homme préhistorique, c'était un sauvage, et donc c'était complètement normal que les hommes préhistoriques se battent entre eux et se mangent entre eux. Et puis le changement s'est fait en fait après-guerre. Et certains, je pense, à raison, le lient d'ailleurs, alors d'une part aux deux guerres qui se sont succédées, et puis également à la guerre froide. Et là, quelque part, il y a eu un basculement vers le bon sauvage, comme on le dit. Le mythe rousseauiste, du bon sauvage. Voilà, le mythe rousseauiste, c'est exactement ça, parce que il y a quelque part à cette époque-là, il y a quelque part dans l'idée que il fallait trouver le moyen de sortir de ça et dire que la guerre est apparue à un moment de l'évolution de l'humanité et n'est pas inscrite dans ses gènes et remonte à la nuit des temps, c'est quand même une façon de dire ça sera peut-être plus facile d'en sortir. Et donc il y a eu toutes ces années pendant lesquelles effectivement l'homme préhistorique il chassait tranquillement, il récoltait des plantes et puis il vivait très bien dans une nature pacifique. Et donc là, Philippe a souligné l'importance de la rupture qu'a apporté l'ouvrage de Lawrence Kiley, qui vraiment a déconstruit ce mythe, et tout en montrant que bon, la plupart des sociétés étaient guerrières. En France, il a évoqué aussi le livre de Jean Guilaine et Jean Zamit, qui est paru en 2001, qui d'ailleurs a été dans l'autre sens traduit en anglais, et qui a également pas mal fait bouger les lignes, qui reste quand même en France relativement c'est plus modéré. Les débats sur la guerre et sur l'ancienneté de la guerre restent quand même plus modérés en France que dans les pays anglo-saxons. Et il y a un dernier phénomène, mais c'est très peu arrivé en France, c'est la primatologie. Jusque dans les années 70, on considérait que les grands singes, qui sont nos plus proches cousins, et en particulier les chimpanzés, étaient des espèces pacifiques, qui ne se battaient pas, qui n'étaient pas violentes. Et c'est Jane Goodall qui, la première des années 70, a montré qu'en réalité, il existait des violences collectives entre communautés de chimpanzés. ce qui a été d'ailleurs confirmé par la suite. Et d'ailleurs, il y a des articles qui sont sortis récemment qui semblent montrer que ils font preuve de véritables tactiques à certains moments. Stratégie, oui. Voilà, c'est peut-être plus tactique, stratégie, un sens plus large, mais bon, il y a quand même dans l'idée que voilà, c'est pas des pacifiques. Et donc cette idée était, il y a un premier bilan qui a été fait par un biologiste qui s'appelait Richard Wrangham, qui est sorti en 1996, donc l'année de la publication du livre de Killey. Et donc, lui, c'est un éco-sociologue, donc il pousse vraiment pour, selon lui, la violence collective plonge ses racines dans l'humanité la plus profonde, sur l'argument, effectivement, que les primates se battent. Alors, cette vision, les études de primatologie en France, elles sont quand même assez mal reçues et sont regardées avec un certain désintérêt. Il n'empêche que ça a contribué fortement aussi à l'évolution au changement des mentalités chez les anglo-saxons. Et ce qui est intéressant dans cette réflexion, et en tout cas dans cette perception peut-être un peu négative des études en primatologie, c'est que ça pose malgré tout en sous-texte la question de la définition. À partir de quand est-ce qu'on parle de guerre? À partir de quand est-ce qu'on parle d'un conflit guerrier? À partir de quand est-ce qu'on parle de violence collective? Là aussi, Philippe Lefranc, ce sont des questions qui sont épineuses, difficiles à régler. Pourquoi est-ce qu'on peut attester d'un phénomène guerrier au paléolithique? Est-ce que ça a du sens même de parler d'une guerre au paléolithique, au mésolithique, au néolithique, qui sont des périodes très lointaines, avec des pratiques culturelles très différentes des nôtres? Est-ce que ça a du sens? Et pourquoi est-ce que, malgré tout, c'est quand même assez commode de penser ça dans ces termes pour pouvoir faire une recherche efficace? Oui, alors il y a beaucoup de questions, c'est très compliqué. Juste pour revenir sur ce que je viens de dire, Bruno, à propos de l'ouvrage Demonic Males, hein, c'est le titre de l'ouvrage de Wrangham et Peterson de 96. Il montre que c'est assez fascinant. Il montre que les chimpanzés conduisent des raids. Ils ne font pas que se battre, mais ils conduisent des raids, c'est-à-dire qu'ils s'introduisent sur le territoire du groupe voisin. Ils ciblent des individus isolés, ils les assassinent, voilà. Et au moment où le groupe est suffisamment affaibli, ils prennent leur territoire. Donc il y a même c'est la pratique de la razzia d'une certaine façon. Ce sont des raids, voilà, avec pour but l'acquisition du territoire, quoi, du groupe voisin. Donc, c'est vrai que quand on lit ça, on se dit bon, ça ressemble aux guerres tribales. C'est troublant. C'est vrai que c'est troublant. Ensuite, c'est vrai que tout ce qui touche à la sociobiologie ou au néo-darwinisme en France, on fait très attention, donc il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Ce sont des ouvrages qui n'ont pas eu un trop grand retentissement, en tout cas dans l'Hexagone. Sur votre question, alors ensuite pour le paléolithique et pour le mésolithique, est-ce qu'on peut pas parler de guerre? Bon, moi c'est pas ma spécialité le paléolithique. Là, il faudra plutôt poser la question à Bruno, mais puisque vous me la posez, je vais quand même essayer d'y répondre en partie. Bruno, l'a déjà souligné, on a longtemps, en tout cas dans les années 60, présenté les sociétés de chasseurs-cueilleurs comme des sociétés pacifiques. Ça, c'est un point. Alors, c'est pas tout à fait faux à mon sens. J'en ai discuté ce matin avec un ethnologue, donc je m'en parlais un petit peu. Le taux de létalité dû à la violence interpersonnelle dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades, mais ceux qui sont complètement nomades, est très très bas. Si on prend l'exemple du désert australien, par exemple, on a l'impression effectivement qu'il n'y a pas de guerre. Alors pourquoi il n'y a pas de guerre? Pas parce que ces populations de chasseurs-cueilleurs sont pacifiques par nature, sont pas meilleures qu'au néolithique, mais simplement parce que les occasions de conflit sont beaucoup plus rares. Parce que ce sont des groupes de faible densité qui évoluent sur des territoires immenses. Par contre, quand on regarde ce qui se passe sur les côtes, où on a des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs sédentaires, là, le taux de létalité dû à la guerre est tout à fait comparable au taux de létalité qu'on enregistre chez les agropasteurs ou chez les horticulteurs. Donc le nœud, c'est pas l'économie, c'est pas l'économie de production, c'est même pas le stockage, hein, parce qu'il est pas toujours nécessaire. Si on a suffisamment de ressources pour rester au même endroit toute l'année, on peut être chasseur, cueilleur. Alors ils sont pas sédentaires, ils sont semi-sédentaires, c'est-à-dire qu'ils se partagent entre un camp d'été et un camp d'hiver. Donc le point le plus important, j'ai l'impression que ce qui ressort de tout ça, c'est la sédentarité. Voilà, c'est à partir du moment où on a une sédentarité, donc une plus forte territorialité, là on trouve des traces de violence collective. Voilà. France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp. Philippe Lefranc, excusez-moi, je vous ai envoyé une petite virgule dans le nez, comme on le dit dans le milieu. Ce qui est intéressant dans ce que vous disiez à l'instant, Philippe Lefranc, c'est cette sédentarité. Le fait que tout d'un coup, les sociétés humaines, surtout à partir du néolithique, se sédentarisent et s'installent dans des lieux, d'une certaine façon, déterminés, qui vont permettre aux archéologues d'aujourd'hui d'avoir des zones à fouiller, peut-être de façon plus pratique. Bruno Boulestin, comment est-ce qu'on peut mener une enquête sur le terrain pour déterminer avec certitude qu'un conflit violent, qu'une guerre a eu lieu il y a des milliers d'années ? Alors, comme vous vous en doutez, c'est pas très facile. Alors, on peut partir sur... on pourrait envisager plusieurs choses. Bon, d'abord, il y a quelques représentations peintes, peintes ou gravées, hein, de conflits qui sont avérés, en tout cas. Bon, il y a assez peu de doutes sur ces représentations. Bon, en particulier, celle de l'art du Levant espagnol. Mais on est dans le néolithique, bien entendu, et c'est pas toujours très bien daté. Et puis, quand on remonte dans le temps, on n'a pas ces représentations. Ces représentations, elles représentent quoi, par exemple ? Elles représentent. Alors, il y a des scènes très différentes. Il y a à la fois des combats entre des groupes. Il y a des scènes de mise à mort. Il y a des scènes de capture. Donc, toute chose qui semble d'évidence liée vraiment à des conflits. On a assez peu de doutes sur ces représentations, sur ce qu'elles signifient. C'est pas le cas de toutes les représentations pariétales, loin s'en faut. Mais là, oui. Mais c'est des choses qui sont relativement tardives. Alors quand on arrive à les dater, parce que c'est très difficile à dater, bon, c'est plutôt des représentations qui seraient d'un néolithique déjà avancé. Après, on peut penser alors aux fortifications, puisque récemment il y a eu un article qui est sorti à propos d'un site qui se trouve en Sibérie qui s'appelle Amnia. Donc qui présente ce qui est interprété comme des traces de fortifications. Alors, on peut en discuter, parce que quand on lit l'article, c'est quand même pas si évident que ça. Est-ce que c'était vraiment des fortifications au sens où on en connaît, même chez certains chasseurs-cueilleurs, mais sédentaires, donc comme sur la côte nord-ouest des États-Unis, ou est-ce que c'était des petites palissades simplement pour se protéger des loups ou de la faune sauvage. Donc ça, c'est pas si clair que ça. Et puis, on est déjà, là aussi, on est probablement chez les sédentaires. Donc ça, c'est difficile. Les armes, c'est ambivalent avant l'âge des métaux. C'est-à-dire que les premières armes que l'on peut vraiment attribuer au combat, ce sont les armes métalliques essentiellement. C'est ce qui fait dire à certains d'ailleurs que la véritable guerre n'apparaît qu'à l'âge du bronze, c'est-à-dire à un moment où on peut identifier les armes. Bon, ce qui est un raisonnement un peu curieux, parce que ça voudrait dire qu'un phénomène apparaît au moment où on est capable de l'identifier, mais... Du moins, ça s'intensifierait avec cette intensification de la production d'instruments... Ça s'intensifierait, et puis il peut y avoir dans certains endroits l'apparition de... Parce que bon, l'épée, par exemple, n'a pas forcément qu'un rôle au combat, c'est un rôle symbolique. Ornemental et surtout qui a valeur sociale, c'est-à-dire oui. C'est un marqueur de l'identité sociale et c'est évidemment une identité élevée. Donc les armes avant, quand on prend une hache, savoir si c'était pour couper des arbres ou pour taper sur la tête de ses camarades, c'est pas toujours très facile, et c'est tout le problème des armes en pierre. Alors on sait qu'il peut y avoir des différences, c'est les Pierre et Anne-Marie Petrequin qui ont travaillé beaucoup en Nouvelle-Guinée, ont pu montrer que là-bas les flèches ont des objectifs différents. Alors les flèches ne sont pas toutes les mêmes, il y a différents types de flèches, et certaines sont faites pour chasser, certaines sont faites pour la guerre. Le problème, c'est que si vous n'avez pas les codes, on est incapable d'interpréter ça. Tout ça finalement a des implications culturelles, effectivement, qui nous renvoient à des cultures qui sont assez méconnues de notre époque. Voilà, complètement. Donc là, on peut pas dire. Donc finalement, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a écarté tout ça, quand on est des périodes un peu anciennes, eh ben il ne reste que les vestiges humains et la détermination de la violence, elle passe quasiment nécessairement par l'identification des traces de cette violence, des traces qu'elle a laissées sur les restes humains. Alors, individuellement, bien sûr, on est capable d'identifier des blessures de toutes sortes, que ce soit des armatures de flèches qui sont fichées dans les os, mais aussi des coups, des traces de des coups tranchants, des coups contondants, des traces de coups de silex, enfin, beaucoup de choses. Le problème après, il va être passé de ce qui est individuel à ce qui est collectif. Et c'est là que les choses vont se compliquer, bien entendu. Parce que, alors, la guerre, je ne sais pas si on y reviendra, mais la définition de la guerre, c'est épique, c'est le cas de le dire. Mais en tout cas, il y a une chose quand même sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que c'est quelque chose qui se passe entre deux groupes. On peut parler de guerre entre deux personnes, mais c'est surtout métaphorique. Mais c'est essentiellement entre des groupes qui ont lieu des guerres. Et donc, il faut pouvoir déterminer que les traces qu'on a observées sont liées non pas à une rixe individuelle, quelqu'un qui a été victime d'un guet-apens ou deux personnes qui n'étaient pas d'accord et qui se sont battues, mais vraiment dans un cadre collectif. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que d'abord, il faut trouver assez de corps en même temps. Ce qui, pour les périodes les plus reculées, n'est quand même pas très, très facile. Ensuite, il faut pouvoir démontrer que les décès sont simultanés. Parce qu'on peut avoir bien sûr une succession des décès, on peut avoir une succession de rixes qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres, qui ont entraîné des morts violentes, qu'on va dépister, mais finalement ça sera des événements complètement séparés, ça sera pas un événement unique qui a mis en jeu un groupe. Alors on a des outils pour ça, mais par exemple, bon, on arrive à déterminer, si on a suffisamment d'individus, on peut essayer de voir si la mort a été naturelle, si c'est une mortalité naturelle ou pas. Et donc, quand c'est pas une mortalité naturelle, ça nous ouvre à une discussion. Pourquoi tous ces gens sont morts en même temps? Alors, il n'y a pas que la guerre qui peut entraîner ces phénomènes de crise de mortalité. Ça peut être aussi des épidémies, mais voilà. Donc, on a des outils, mais c'est pas très facile. Philippe Lefranc, à partir de toute cette approche observationnelle qu'a décrite Bruno Boulestin, est-ce qu'on peut déterminer aujourd'hui qu'il y a un site plus vieux que les autres qui témoigne pour la première fois, ou en tout cas de façon la plus ancienne connue à ce jour, d'une violence collective de type guerrière? Oui, alors les sites pour lesquels on peut vraiment établir l'existence de violences collectives sont trop de discussions. Ce sont des sites africains. Il y a le site du Djebel Saaba au Soudan. Donc ça, c'est une nécropole qui recèle beaucoup d'individus qui ont été victimes de violences armées. Et puis le site de Natarouk au Kenya, ça c'est un site de massacre. Dans les deux cas, puisqu'on en parlait déjà, ce sont des sociétés qu'on décrit comme des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires. Hein. Voilà, donc ça ce sont les deux exemples les plus anciens. Et puis il y aurait un exemple, mais là je repasse la parole à Bruno, c'est la grotte du Placard qui a livré des restes humains qui ont été, enfin des individus qui ont visiblement été cannibalisés et mêlés à ces ossements. On a également retrouvé des calottes crâniennes que Bruno interprète comme étant des trophées. Or, le cannibalisme plus les trophées, ça marque la guerre. Là, on est dans le cadre de l'exo-cannibalisme, c'est-à-dire on mange ses ennemis. On mange ses ennemis et non pas forcément un cannibalisme rituel comme ça a pu être aussi suggéré dans d'autres contextes où là, voilà, dans d'autres contextes qui peuvent être des contextes funéraires. Dans ces cas-là, on parlera d'endo-cannibalisme. Mmh. On mange les membres de son groupe. Ça, c'est une pratique funéraire. L'exo-cannibalisme, ça a pour objectif de faire pas d'annihiler l'ennemi, hein, le faire disparaître, le transformer en excréments. Enfin, vous voyez bien. Donc c'est une pratique qui marque vraiment un prolongement de la violence des contextes guerriers. Voilà. Et cette grotte du placard, elle est datée de 20 000 BP. On est vraiment au tout début du Magdalénien. On est au paléolithique, voilà. Du coup, là, ça tord le cou un peu à l'idée selon laquelle les violences collectives n'auraient pas existé avant la sédentarisation pure et l'accès à la propriété, à la production. Tout à fait, mais alors il y a deux façons de poser le problème. Soit on avait des chasseurs-cueilleurs magdaléniens qui étaient purement nomades, c'est-à-dire qui connaissaient la guerre, si ça signe vraiment la guerre, c'est-à-dire qu'ils se comportaient pas comme les chasseurs-cueilleurs qui sont documentés par l'ethnologie, comme les chasseurs-cueilleurs subactuels. Bon, pourquoi pas. Sinon, on peut peut-être éventuellement poser l'hypothèse d'une semi-sédentarité parmi certains groupes magdaléniens. Voilà, je ne sais pas ce que Bruno Boulestin sur cette grotte du placard que vous connaissez bien pour y avoir travaillé. Oui, effectivement, que je connais bien. Alors, c'est une fouille ancienne, hein, puisque la grotte du placard a été fouillée avec beaucoup de paires de guillemets à la fin du 19e siècle. On devrait plutôt dire vidée. Seulement quelques objets les plus visibles et puis les plus intéressants, y compris parmi les vestiges humains, ont été récupérés. Alors cette fouille a été complétée dans les années 1990 par une fouille d'un petit lambeau qui avait subsisté, qui a été effectuée sous la direction de Jean Clotte, et puis par une petite partie du tamisage des blés monstrueux du vidage de la grotte qui a permis là également de récupérer d'autres choses, mais en tout cas de modifier l'échantillon, donc c'est de vestiges humains, donc rien que pour ça c'était intéressant. Alors effectivement le cannibalisme, je pense que c'est une des portes d'entrée sur les conflits armés pour les périodes les plus anciennes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le problème c'est de trouver suffisamment de restes humains qui portent des traces contemporains, portent des traces et dont on peut estimer que voilà ils sont décédés en même temps pour pouvoir évoquer une violence collective. Alors pour le paléolithique, selon les périodes, il y a des périodes du paléolithique supérieur où on n'a aucun reste humain, donc là on peut absolument rien dire. Il y en a d'autres, où on interprète les choses comme du funéraire, et on a un certain nombre de cas où on a des traitements du cadavre. Alors bon, le cannibalisme, ça ferait une émission en soi, donc... Et on y avait consacré en son temps, avec la méthode scientifique, une émission entière, on va voir partager. Voilà, il y a eu ça il y a longtemps, effectivement. Et donc, comme l'a dit Philippe, je passe sur la façon dont on argumente le cannibalisme, mais après, on se retrouve face à une alternative qui est... soit ce sont des pratiques funéraires, ils ont mangé leurs parents morts, soit ce sont effectivement des pratiques guerrières où on mange l'ennemi, qui sont extrêmement, extrêmement répandues. Là, les arguments qui ont été déployés, c'est effectivement la présence à côté de ces fameuses calottes crâniennes, qui sont des coupes crâniennes, finalement, on peut dire ça, qui ont été taillées dans les crânes. On ne sait pas évidemment trop comment ils s'en sont servis et quelle était la destination, mais là où on a des choses qu'on peut éventuellement comparer, évidemment en restant prudent parce qu'on n'est ni à la même époque ni au même endroit, donc là où on a des choses, c'est en Amérique du Sud où on a des choses similaires, des coupes crâniennes qui sont utilisées dans le cadre de fêtes de victoire et qui en fait sont assimilées à des trophées. Alors si je peux juste terminer sur la question de la sédentarité, il faut se méfier un petit peu parce que la tendance, d'une manière assez générale dans le grand public, c'est quand on parle de chasseurs-cueilleurs nomades, on a l'impression que les gens ils passaient leur journée à errer sur les routes ou plutôt sur les sentiers des forêts ou dans la steppe avec leurs baluchons. C'est pas du tout ça, quoi. Alors il y a différents modèles. En général, ces gens s'installent pour une petite période à des endroits. En fait, ils tournent. Mmh. C'est-à-dire qu'en fonction ils vont là où les ressources sont, oui. Voilà, ils vont là où les ressources sont, et comme il y a une variation saisonnière en fonction du passage des troupeaux, de la saison, si les fruits poussent ou poussent pas, ils peuvent se déplacer. Et se rajoutent à ça des phénomènes qui sont quasiment systématiques chez les chasseurs-cueilleurs, qui sont ce qu'on appelle des phénomènes d'agrégation, c'est-à-dire que les gens se dispersent pendant l'été. Donc ils vivent par petits groupes, ils se déplacent, ils vont sur des sites résidentiels d'été, pardon. Et dans la période la plus creuse, ces gens se réunissent donc dans ce qu'on appelle des grands sites d'agrégation où ils vont rester plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ça, c'est très bien décrit chez la plupart des chasseurs-cueilleurs, y compris chez les aborigènes australiens, on a des phénomènes comme ça. Donc on peut très bien avoir des sédentarités et chez des chasseurs-cueilleurs dits nomades, on peut très bien avoir des gens qui restent au même endroit pendant un certain temps. Quoi. Alors, on va parler dans un instant des récentes découvertes en matière d'archéologie, de la violence collective et de la guerre. Et on va essayer de comprendre ce que nous apportent ces découvertes sur notre compréhension de ces temps reculés et des sociétés anciennes. Violence par Brian Eno dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui des origines des conflits violents dans les sociétés humaines et de l'archéologie complexe qui tente de percer les mystères de ces épisodes violents du passé lointain. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Bruno Boulestin, anthropologue au sein de l'unité de recherche PACEA du CNRS à l'Université de Bordeaux, en compagnie également de Philippe Lefranc, professeur de préhistoire à Strasbourg. J'évoquais juste avant la musique, Philippe Lefranc, quelques découvertes récentes notamment qui ont motivé finalement la réalisation de cette émission. Une de ces études en question est parue dans la revue Scientific Reports en novembre 2023 et fait état de découvertes intéressantes en matière de violence au néolithique. Ça se passe dans le nord de l'Espagne, dans la ville de La Guardia, sur le site de San Juan Antepórtam Latinam. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette découverte, si toutefois vous en avez eu connaissance? Et si oui, qu'est-ce que ces découvertes à répétition apportent à notre meilleure compréhension de ce passé lointain? Oui, alors le site de San Juan Antepórtam Latinam, qui est donc dans le nord de l'Espagne, c'est une sépulture collective qui est datée de la fin du quatrième millénaire et qui contenait plusieurs centaines d'individus, 338 si je me souviens bien, et un quart d'entre eux, et je crois presque la moitié des individus masculins, montrent des blessures, alors des blessures qui peuvent être guéries, hein, ou alors des blessures létales, par arme. Pourquoi c'est intéressant de signifier et de souligner le fait qu'on témoigne de la présence de blessures guéries? Est-ce que là aussi ça nous renseigne sur la régularité de ces conflits? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça montre que cette communauté, enfin la communauté qui était inhumée dans cette sépulture collective, était exposée à la violence. Ça c'est assez évident. Bon, mais l'article insiste sur l'ampleur en fait, de l'épisode guerrier enregistré dans ce dépôt. Mais moi, je sais pas ce qu'en pensera Bruno. Moi, je serais un petit peu plus prudent, parce que dans le cadre des sépultures collectives, il est toujours assez difficile de trancher entre des dépôts successifs, hein, qui prendraient plusieurs années sur un temps long, voilà, ça peut être plusieurs générations, hein. La sépulture, elle est datée entre 3380 et 3000, donc ça fait quand même voilà, il y a une large fourchette chronologique. Donc on a du mal à appréhender vraiment la profondeur chronologique, la temporalité de l'événement. C'est pas la même chose s'il s'agit de dépôts qui sont vraiment rapprochés, ou alors si on a des dépôts multiples avec de nombreux individus en même temps. Et ça me rappelle le site de l'hypogée des Crottes à Rouet dans le Vaucluse, qui avait été fouillé par Jean Courtin, qui parlait d'une couche de guerre, puisqu'il avait trouvé des traces de violence sur plusieurs squelettes qui étaient dans la même couche archéologique. Bon, il s'avère que la reprise de l'étude de cet ensemble-là a montré que le dépôt s'était probablement constitué sur un temps long. C'est pour ça, il faut toujours être prudent. Donc, Sandro Anteportan, je ne sais pas s'il s'agit d'un conflit de type feude qui a duré très longtemps, hein, parce que les conflits dans les sociétés traditionnelles, ça peut s'étirer sur des générations, hein, c'est ponctué de trêves plus ou moins longues, on dépose des armes et puis on les reprend, voilà, ça peut sur le temps long, ça peut faire beaucoup de morts. C'est pas forcément un conflit de haute intensité. Mais ce qui est intéressant, Philippe Lefranc, vous le soulignez, c'est le fait qu'il y ait une surreprésentation d'hommes. Alors dans l'analyse isotopique des ossements de ces hommes montrent des preuves de malnutrition, de stress biologique qui pourraient peut-être éventuellement nous renseigner aussi sur les causes des conflits, des tensions liées justement à des tensions alimentaires peut-être. Alors ça, c'est de la haute hypothèse. Il y a un autre site qui a été étudié en Chine, le site de Hongkou, qui a été découvert lui en 90, où on a découvert 68 squelettes, dont 32 ont été brutalisés et tués lors d'un raid unique. Bruno Boulestin, voilà, là on parle de découvertes récentes, d'analyses récentes qui s'accumulent. Comment est-ce que on évite le côté liste où on se dit oui, là ici il y a eu un conflit, et comment est-ce qu'on va réussir à aller au-delà, puisque c'est l'intérêt de la recherche scientifique, et à apporter finalement des informations autres que ces gens-là se tapaient dessus, mais comprendre finalement plus les raisons de ces conflits et avoir une compréhension plus fine de l'histoire de nos lointains ancêtres. Alors, c'est jamais très facile de remonter dans la pensée des gens. Alors, effectivement, ce qu'on voit en archéologie, ce sont des spots. C'est les aléas des découvertes. On peut pas faire autrement. On est à la merci du hasard quelque part. Donc, effectivement, on va trouver par-ci un site, un abri sous roche qui va livrer des individus qui vont porter des traces de violence. On va trouver en Chine ce cas où là, ce sont des gens qui ont eu la tête coupée. Donc, ce sont une quarantaine de cadavres dont on a coupé la tête. Donc, ce sont des corps sans tête. Que les chercheurs mettent en relation avec la chasse aux têtes, ça peut se discuter, il y a d'autres solutions. Donc on a forcément des spots comme ça, et donc on peut pas... alors il y a tous les problèmes qui sont et qui sont vraiment cruciaux, que Philippe a soulevé, de contemporanéité déjà. Est-ce que dans une sépulture collective, comme il l'a dit, les gens, vu la durée sur laquelle ça s'étale, s'il y a 3 morts par an, c'est pas la même chose que s'il y en a 30 d'un coup. Donc on a tous ces problèmes. Donc raisonner par l'archéologie, c'est quand même ça a ses limites. Alors, on est quand même obligé d'aller chercher des modèles ailleurs. Et on peut pas faire autrement, parce que quand on fait des périodes historiques, quand on travaille sur des périodes historiques, on a des textes, on a des représentations, on a des témoignages. Encore faut-il s'en méfier, parce que c'est pas toujours complet ou exact. Mais pour les période sans écriture, on n'a plus rien. Donc, on est quand même obligé, pour penser ces sociétés qui sont très éloignées de nous dans le temps, on est obligé d'aller chercher des modèles ailleurs. Alors, en évitant un certain nombre de travers, en particulier, prendre un exemple par là pour le rapporter directement sur le site qu'on a fouillé, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça, c'est l'illustration ethnographique. C'est pas parce que j'ai la même chose que ce qui a été trouvé, que ce qui est documenté en Afrique, que ça veut dire la même chose. Donc, on est plutôt obligé de trouver des tendances larges. qu'on va pouvoir transposer avec une certaine marge de sécurité aux populations anciennes. Alors, en ce qui concerne la guerre, effectivement, pendant très longtemps, la barrière a été fixée à la transition entre les chasseurs-cueilleurs du paléolithique et du mésolithique, et puis les néolithiques qui, eux, vivaient de l'agriculture et de l'élevage, en grande partie. Parce que ces gens-là étaient sédentaires, parce que sont liés à cette sédentarité l'apparition des inégalités, l'apparition de la richesse. Donc on a une espèce de phénomène là qui expliquerait que les gens ont pu se battre, c'est-à-dire qu'ils se sont battus pour des richesses, pour piller, etc. Et qu'avant c'était pas la peine. Or ce que montre l'ethnographie, et là il y a beaucoup de travaux et notamment Christophe Darmanja a récemment fait a produit un ouvrage sur l'Australie, sur les conflits armés en Australie, et on montre que les gens ne se battent pas pour ça essentiellement. La première des causes chez les chasseurs-cueilleurs des conflits, c'est la vengeance. C'est se venger d'un tort, c'est se venger parce que quelqu'un a pénétré sur son territoire, c'est se venger parce qu'on s'est fait, on attribue une mort à de la sorcellerie, enfin, c'est la vengeance. C'est-à-dire que la propriété, le politique, ça n'intervient pas là-dedans. Je suis obligé de vous interrompre, Bruno Boulestin, parce que le temps passe très vite dans la science CQFD. Il va falloir qu'on en vienne à présent à notre reportage du jour. On va parler de l'âge du bronze, où on retrouve sur le continent européen un très grand nombre d'épées qui font l'objet d'études en archéométallurgie. Pour comprendre comment on examine ce type d'arbre, qui reste comme un symbole de la guerre, et comment on peut en déterminer l'usage, Céline Lozen, vous êtes allée dans les laboratoires du Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Bonjour Céline. Bonjour Antoine, oui, au moyen de l'archéométallurgie, d'outils d'imagerie et de réplication des techniques de fabrication, il est possible de caractériser la composition chimique d'artefacts et d'en inférer par extension l'usage. J'ai retrouvé le professeur Anne Loerf, archéologue et experte dans les métallurgies, qui ont émergé en Europe à la proto-histoire. Dans ses travaux, elle s'intéresse aux épées, objets qu'on peut raisonnablement associer à la guerre, tout comme des casques ou des cuirasses qu'elle examine également dans leurs alliages et fonctions, dans un contexte où on retrouve des vestiges d'un développement massif de l'armement. Donc là, on va rentrer dans la salle de préparation des échantillons. Donc là, on a une polisseuse donc, qui va servir en fait, à faire une surface miroir. Ça tourne, voilà. C'est une machine qui tourne. Et donc, on va polir d'abord avec un gros grain, puis on va affiner le grain. Et puis, on finit au quart de micron pour faire une surface miroir. Et normalement, vous avez des échantillons. Alors là, j'ai des échantillons. C'est une cuirasse qui est en fait une cuirasse du bronze final qui est au musée de l'armée à Paris. Et sur laquelle j'ai déjà fait les études, c'est déjà passé en microscopie optique, c'est déjà été analysé au microscope électronique à balayage, sous lequel on regarde les échantillons pour comprendre le travail artisanal qui a été fait de fabrication. Alors, en proto-histoire européenne, on a une invention de la métallurgie au néolithique en Europe et on a vraiment un développement des métallurgies, j'aime bien utiliser un pluriel pour introduire de la nuance, des alliages cuivreux, surtout à partir du deuxième millénaire avant notre ère. Donc dans ce cadre-là, on voit apparaître au cours du deuxième millénaire des objets qu'on peut mettre en lien avec une activité guerrière. Et on voit par exemple apparaître entre 1700 et 1600 en Europe tempérée un objet emblématique évidemment qui est l'épée. Qui est le premier objet d'une certaine manière dont l'usage ne fait pas de doute, même si ça peut être associé à un usage de prestige, un symbole de prestige, associé à un statut de guerrier, l'homme en armes, que l'on voit très clairement avec un objet qui va servir évidemment à aller attaquer, blesser, tuer. C'est un objet à usage létal tout à fait clair. On pourrait aussi dire que ça a pu faire l'objet d'outils pour la chasse, pour des cérémonies, mais quel est l'élément qui peut dire raisonnablement qu'il s'agissait d'un outil pour commettre des crimes ou des actes de violence ? En fait, l'épée, elle est inventée à l'âge du bronze, et puis elle naît accompagnée d'une panoplie d'armement, dans des matériaux périssables de la métallurgie, qui sont les boucliers. On a des cuirasses en ce moment, on est au laboratoire là, et je suis en train d'étudier des cuirasses. On est dans un équipement, donc des cuirasses anatomiques du bronze final. On est véritablement dans un équipement, effectivement, dont l'usage est de protéger dans le cadre de combat. Oui, donc il y a une cohérence en fait quand on rassemble tous ces éléments. Oui, tout à fait. Il y a une cohérence dans le développement d'une panoplie qu'on voit clairement associée à cette question de la guerre et de l'équipement guerrier. Et alors moi, je travaille plutôt sur le volet artisanal, essayer de comprendre comment c'est fabriqué. C'est-à-dire que derrière l'objet, je vais regarder sur l'objet lui-même, puis en microscopie, etc., pour essayer de retrouver finalement les gestes de fabrication, la société qui porte cet artisanat, parce qu'il faut du cuivre, il faut de l'étain, on ne les trouve pas au même endroit. Donc ça veut dire des réseaux d'approvisionnement, ça veut dire des circuits d'échange, et puis ça veut dire des compétences extraordinaires. Parce que quand on les regarde, ces objets, ça demande une technologie de fabrication vraiment exceptionnelle, hein, qu'on a parfois du mal même à reproduire encore aujourd'hui en archéologie expérimentale. Donc c'est un savoir-faire qui est très fort et qui marque un jalon important dans une course à l'armement qui, hélas, est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est fascinant à vous écouter. On comprend qu'à partir d'un item, on arrive à déplier tout un écosystème culturel, géographique et social, finalement. Vous parlez aussi de méthodes microscopiques pour arriver à exhumer les savoir-faire, les gestes qui sont un peu évanouis dans cet objet qui, à l'œil, pourrait être insondable. Alors, comment vous arrivez à décrypter justement ces savoir-faire-là ? Alors, ce qu'on essaie de regarder au laboratoire, on va regarder en fait les objets pour essayer de reconstituer la chaîne opératoire de fabrication. Et donc, au microscope, pour aller vite, on essaie de retrouver l'histoire thermomécanique. Donc, comment ça a été travaillé en fonderie, en martelage, quels sont les recuits. Tout à l'heure, je regardais le fragment de la cuirasse que j'étudie et très clairement, on voit au microscope électronique à balayage des zones qui ont été laissées déformées. C'est-à-dire que le dernier état, c'est le martelage dans ce processus d'alternance, martelage, recuit. Donc, et c'est comme une enquête à partir de ces traces. Mais on va remonter au geste. Et effectivement, à partir du geste, on va dire, voilà, ça a été fabriqué de telle et telle manière. Alors là, on est sur un alliage cuivreux. On vient de faire les analyses de composition, donc on ne s'est pas encore stabilisé, mais on a des taux d'étain qui sont assez forts. Et puis on a des inclusions qui sont plus gris, donc on a une matrice qui est jaune. Et puis à l'intérieur, on voit des morceaux qui sont plus gris, petits. Hein, vous voyez l'échelle, là, on est dans l'infiniment petit. Et on voit ces espèces de petites lignes, ces stries dans la matrice métallique, une espèce de petit quadrillage. Alors ça, c'est la trace du dernier état, qui est effectivement l'état martelé. Et donc le matériau garde en mémoire le travail de martelage cumulé. Donc en regardant ces indices, en les retrouvant, on arrive à retrouver les gestes en fait qu'il y a derrière, voilà, cette petite inclusion de sulfure qui paraît tout à fait anodine dans un échantillon. Disons que pour un regard béotien, c'est énigmatique, mais vous, avec votre regard, vous arrivez à décrypter comme un livre en fait. Exactement, voilà, c'est-à-dire qu'on lit, c'est comme une, enfin c'est une image d'ailleurs, hein, dans la microscopie, dans le microscope, c'est une image qu'on regarde. Alors là, sur l'écran d'ordinateur, mais dans le microscope, on voit encore mieux, c'est encore plus fort, et puis on se promène dans le microscope, c'est un vrai voyage dans la matière, et à partir de ce voyage dans la matière, on remonte effectivement dans un voyage dans le temps, et puis on arrive à retrouver ces gestes qui, eux, ne laissent pas de traces a priori. Ils s'évanouissent dans le geste lui-même, et pourtant la matière garde en mémoire cette trace du geste. Et voilà, à partir de ces indices, on essaie de retrouver, d'écrire l'histoire en fait de ces sociétés. Merci beaucoup Céline Lozenne pour ce reportage. Merci beaucoup Bruno Boulestin et Philippe Lefranc de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je vous invite, chers auditrices, chers auditeurs, à lire Le Sentier de la Guerre, visage de la violence préhistorique de Jean Guilaine et Jean Zamit. Si ce sujet vous a intéressé, l'heure passe. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, les questions de guerre au présent, celle en Ukraine et de ses effets sur la recherche scientifique. Comment temps, la guerre en Ukraine transforme sa recherche scientifique. Aux côtés des pertes humaines et de la destruction des infrastructures, des conséquences indirectes du conflit se dessinent. Les établissements scolaires, les universités, les centres de recherche n'ont pas été épargnés. Et les chercheurs et chercheuses, comme le reste du peuple ukrainien, se sont exilés ou ne peuvent plus mener à bien leurs travaux. Mais quelle est l'ampleur de ce phénomène et ses répercussions? Dans le passé, d'autres conflits ont permis d'étudier à long terme l'influence des guerres sur les migrations et les productions des scientifiques. Gaëtan de Razenfoss est professeur en politique scientifique et technologique à l'Université Polytechnique Fédérale de Lausanne. On a eu plusieurs études par le passé qui ont étudié l'impact du régime nazi, par exemple, et la fuite des scientifiques juifs vers les États-Unis. On a eu des études qui ont regardé l'impact sur la production scientifique des chercheurs qui ont fui l'URSS en 91. On a des études qui regardent l'impact du coup d'État en Turquie en 2016 sur la production scientifique des chercheurs turcs. Donc, puisque ces études ont eu lieu dans un contexte historique, elles ont pu regarder le long terme. Donc, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'on a un réservoir de connaissances locales qui est tout d'un coup déversé dans un autre pays ou dans un autre système scientifique. Par exemple, on avait toutes les connaissances des scientifiques de l'Allemagne nazie qui arrivent aux États-Unis, surtout. Et on peut étudier l'impact de cette nouvelle connaissance, de cette diffusion de connaissances aux États-Unis. Et souvent, on montre, en fait, les études montrent une augmentation de la productivité, une augmentation de l'innovation dans les disciplines dans lesquelles les scientifiques émigrés étaient spécialisés. L'objectif principal de cette nouvelle étude, la toute première sur le sujet, est de mener un suivi quasi en temps réel pour pouvoir épauler au mieux ces scientifiques. En quantifiant l'ampleur du phénomène, on peut estimer le montant à allouer pour les accueillir en Europe et subvenir à leurs besoins. Et dans un second temps, plus individuel, il s'agit de comprendre comment ces scientifiques continuent à travailler. C'est ainsi que le délicat et minutieux travail de recensement en temps de guerre commence. Il a fallu identifier et contacter le maximum d'entre eux et d'entre elles, d'abord par le réseau de publications scientifiques, en regardant tous les articles qui faisaient mention d'une affiliation ukrainienne. Ensuite, il a fallu fouiller les sites des universités et académies. Et finalement, cette longue liste a été complétée par le bouche à oreille. Sur 15 000 scientifiques contactés, 2500 ont répondu, ce qui reste une proportion plus que correcte compte tenu des circonstances. Le tout étant de s'assurer que les répondants et répondantes représentent bien l'ensemble des scientifiques du pays. Et c'est le cas. Résultat de cette étude, 18% des scientifiques ukrainiens ont fui le pays. Alors, on n'avait pas du tout d'attente par rapport aux chiffres, mais par contre, notre chiffre était extrêmement proche du taux global de migration de la population ukrainienne dans son ensemble, qui était aussi au proche des 18%. Donc, c'est-à-dire que les scientifiques ukrainiens n'ont pas fui dans une plus grande ou moindre mesure que le reste de la population. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que souvent, on considère que le capital humain le plus qualifié est aussi le plus mobile, tout simplement parce que c'est des personnes qui ont les capacités de trouver des jobs à l'étranger plus facilement. Donc, plus on est qualifié, en général, plus on est mobile. Mais là, on voit que en temps de guerre, bien évidemment, la situation change drastiquement et tout le monde fuit à peu près indépendamment de leur niveau de compétence. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que parmi les scientifiques qui ont fui l'Ukraine, on retrouve les scientifiques les plus qualifiés. Donc les scientifiques qui étaient les plus prolifiques, qui avaient le plus grand nombre de papiers, qui avaient le plus grand nombre de citations et qui avaient les diplômes, qui étaient les plus diplômés. Donc, autrement dit, l'Ukraine perd ses meilleurs scientifiques. Maintenir ces exilés sur place, où qu'ils soient en Europe, représente un montant de 700 millions d'euros par an. Une majorité de ces scientifiques sont accueillis sous contrat court, qui dépasse rarement une année, ce qui implique donc que la situation est sur le point d'évoluer, puisque l'enquête a commencé il y a tout juste un an. La suite de ces travaux, c'est de pouvoir étudier cette fuite de cerveau, en comparant dans quelques années la production des scientifiques qui sont partis et ceux qui sont restés. Mais l'autre question qui se pose, c'est le devenir de cette majorité invisible. En filigrane, on comprend que 80% sont restés dans le pays. Dans ce cas, la marge de manœuvre pour les aider est réduite, mais quelques solutions concrètes ont été proposées. Par exemple, étendre l'accès aux bibliothèques électroniques et ressources digitales pour soutenir la productivité de ces scientifiques, ou bien financer des projets de recherche collaboratifs impliquant des chercheurs et chercheuses en Ukraine et en Europe. Merci beaucoup Alexandra Delbo, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science.